Deuxième livre des Rois, chapitre 2. Or il arriva lorsque l'Éternel voulut enlever Élie aux cieux par un tourbillon, qu'Élie et Élisée partirent de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, « Je te prie demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Mais Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point, ainsi ils descendirent à Bethel. » Et les fils des prophètes qui étaient à Bethel, sortirent vers Élisée, et lui dirent, « Ne sais-tu pas bien qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton maître d'avec toi ?» Et il répondit, « Je le sais bien aussi, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Élisée, je te prie, demeure ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Mais il lui répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Ainsi ils s'en allèrent à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vinrent vers Élisée, et lui dirent, « Ne sais-tu pas bien que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître d'avec toi ?» Et il répondit, « Je le sais bien aussi, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Élisée, je te prie demeure ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. » Mais il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Ainsi ils s'en allèrent eux deux ensemble. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes vinrent, et se tinrent loin vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent près du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, et le replia, et il en frappa les eaux, qui se divisèrent en deux, et ils passèrent tous deux à sec. Quand ils furent passés, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée répondit, « Je te prie que j'aie de ton esprit autant que d'eux. » Et il lui dit, « Tu as demandé une chose difficile, si tu me vois enlevé d'avec toi, cela te sera accordé, mais si tu ne me vois point, cela ne te sera point accordé. » Et il arriva que comme il marchait, en parlant, voilà, un chariot de feu et des chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta aux cieux par un tourbillon. Et Élisée le regardant criait, « mon père, chariot d'Israël, et sa cavalerie, » et il ne le vit plus, puis prenant ses vêtements, il les déchira en deux pièces, et il leva le manteau d'Élie, qui était tombé de dessus lui, et s'en retourna, et s'arrêta sur le bord du Jourdain. Ensuite il prit le manteau d'Élie, qui était tombé de dessus lui, et frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel le Dieu d'Élie, l'Éternel lui-même ?» Il frappa donc les eaux, et elles se divisèrent en deux, et Élisée passa. Et quand les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'eurent vu, ils dirent, « L'esprit d'Élie s'est posé sur Élisée, et ils vinrent devant de lui, et se prosternèrent devant lui en terre, et lui dirent, « Voici maintenant avec tes serviteurs 50 hommes puissants, nous te prions qu'ils s'en aillent chercher ton maître, de peur que l'esprit de l'Éternel ne l'ait enlevé. Et ne les jetez sur quelque montagne, ou dans quelque vallée, et il répondit, « N'y envoyez point. » Mais ils le pressèrent tant par leurs paroles, qu'il en était honteux. Il leur dit donc, « Envoyez-y. » Et ils envoyèrent ces 50 hommes, qui pendant 3 jours cherchèrent Élie, mais ils ne le trouvèrent point. Puis ils retournèrent vers lui à Jéricho, où il s'était arrêté, et il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit de n'y aller point ?» Et les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici maintenant, la demeure de cette ville est bonne, comme mon Seigneur voit, mais les eaux en sont mauvaises, et la terre en est stérile. » Et il dit, « Apportez-moi un vase neuf, et mettez-y du sel, » et ils le lui apportèrent. Puis il alla vers le lieu d'où sortaient les eaux, et il y jeta le sel, en disant, ainsi a dit l'Éternel, j'ai rendu ces eaux saines, elles ne causeront plus la mort, et la terre ne sera plus stérile. Elles furent donc rendues saines, et elles l'ont été jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait proférée. Il monta de là à Bethel, et comme il montait par le chemin, des petits garçons sortirent de la ville, et en se moquant de lui, ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Et Élisée regarda derrière lui, et les ayant regardés, il les maudit au nom de l'Éternel, sur quoi 2 ours sortirent de la forêt, et déchirèrent 42 de ces enfants-là. Et il s'en alla de là en la montagne de Carmel, d'où il s'en retourna à Samarie.